sous le sapin les cadeaux. Merci Papa Noël. Merci Jésus aussi. Papa Noël, merci. Merci. Qui est cet homme qui tombe des cieux? Qui tombe des cieux? Mais qui est cet homme qui tombe amoureux? Mais qui est cet homme? Et pourtant, qui tombe des cieux? Je débranche bientôt maintenant. Mais qui suis-je? Finalement. Qui sont les snorkies? Qui sont les snorkies? Mais qui? Les snorkies amoureux. Qui sont? Qui sont les snorkies? Qui? Ben voilà. Je t'aime toujours. On n'est pas. Vas-y. Tu m'aimes autrement. Malgré les rides, malgré la cellulite et les enfants, je t'aime toujours. C'est un autre amour maintenant. C'est la chanson. J'aime autant te dire 40. Que j'arrête tout maintenant. J'aime autant te dire que c'est bientôt fini entre nous. J'aimerais autant te dire non. Que tu te finis justement, entre nous. J'aime autant justement, te dire justement, serait temps que tout est fini. Serait temps, certain, que, le que tout est fini entre nous. J'aimerais te dire tout d'un coup, tout devient, tout va vite, que tout s'accélère. Mais tout est fini entre attends, nous, je t'aime. Autant te dire que tout, toujours en décalé, l'homme et la femme, ils sont finis entre nous, je t'aime. À être toujours en décalé, je t'aime pas tout. Moment de fusion. Pourtant, tout, sache que tout est fini entre nous. Plusieurs histoires, alors que je t'aime, tout est fini entre nous. C'est la beauté. Tout est fini. D'abord sur le couple, ensuite sur l'infini. Entre nous, au-delà. Pourquoi le genre est tout est fini. Tout s'est arrêté entre nous. Pourquoi tout est fini. Alors que je t'aime. Options. Je ne sais pas comment. Sinon que tout est fini. Ah cela va passer. C'est la beauté, c'est mais c'est d'éviter l'écueil. C'est à cela, papa, c'est là. Écoute-moi. Et savoir qui c'est. Pas toutes les options. Éviter l'infini. T'es l'infini. Qu'on c'est va te mettre. Je te dis, avec ta 205, tu pourris la planète. Qui sait ce qui nous passe en tête? Range rosa, climatisé. C'est. Différentes violences. Will they come see lamps and words capable de nuances entre les niveaux, différents niveaux. Let them wear it. Identifier temps et devant et temps. Temps et le vent. Ceci, tu es cet homme qui tombe des cieux pourtant. Thomas Pesquet est vieux, mais oh. Qui est cet homme qui tombe des cieux, mais qui tombe amoureux. I want to go far. Mais qui à nos amis. For you, I try. I fail. Yes, we try. We fail. Are you okay? It's a jam. It's an evil. It's an evolution. It's a level. Yes, level. We level. Yeah, we ever. It's a level. Session, such a you are evil. Cause you are evil. You are a devotion to Satan. Connecté à la réalité du monde qui m'oblige, qui voudrait. Il faut peut-être te coucher toi aussi, demain c'est important, tu travailles. Ça va. J'ai encore une heure avant. Je vous dis bonne nuit les amis. Je vous dis bonne nuit demain. Tu travailles. La puissance du Mordor qui te fait te coucher tard. Alors que tu voulais te coucher tôt. Are you able to make a situation you share, you try, no need anything, you give, blackout, without the depth, tu donnes, vous ne mourrez pas. Comme tu donnes. Merci, merci, merci, merci, merci. Quand je te donne ma main, camarade, qui vient de merci. Merci. Merci. Non, tu t'en vas. The last one. Wait. Les amis. Oh, oh, oh. Jonep, ok. Yes. Good sessions. Yes. Get mummy. There's no drones up in the sky. Get me. Papa. Yes, I know I got a mama. Grand écart, sans échauffement. Hey, tu l'as cherché, mon ami. Épigénétique. Avant l'heure. Comment les émotions précèdent. Commande les sensations. La brief in you. Yeah, we brief. Yeah, we brief. Yeah, we brief. Don't you understand? Don't you? Protection. Mm-hmm. very much. Latency is my friend. Dans cette guerre froide 2.0, il y a ceux qui dénoncent, ceux qui prennent acte, analysent, ceux qui il y a ceux qui ressentent les secousses choisies par le système. Slips, tant, putain, pas confortable, non. Maintenir sa position dans le système a un coût, à mon avis, extrême. Cher, mon très cher collègue, je tiens à te dire que tu te mets un peu en danger en te mettant au bord du système. À carreaux, je serai tranquille, posé dans un meublé. Je ferai pas de bruit, je serai là, je serai tranquille, posé dans un meublé. Je fais pas de bruit, je fais pas de bruit. Je serai tranquille, t'as des fichiers. Comme Assange. Des fichiers, t'es blacklisté. Qu'est-ce que tu veux que je dise, mon gars? Annonceur, annonceur, c'est l'alerte. Oui, il faudrait sonner un tas d'alertes. Ouais. Peu de gens risquent leur position. Système. Big system. Transgénérationnel. Système. Système. It's a system. Oh. Héritage. Ou pas. Négatif. Positif. Ta position, mec. Gros boulot, juste prendre conscience. Prendre conscience. C'est la conscience de ta position dans le système. Grosse déception. Peut-être. ou pas, grosse chance si tu regardes la planète. Si t'as une connexion internet, c'est déjà et lucky. You are lucky if you are connection. Lucky. Yeah. Lucky. This is. Que je me réveille, tout d'un coup, je me réveille. Devant l'éternel, condition humaine. C'est de ça qu'on traite, hein. Pas me laisser aller à ces tentations exotiques. En fait, c'est moi, c'est mes démons intérieurs, mais l'extérieur hyper stimulant. Exotique. Ouais. C'est exotique. Exotica. Cascade, camp, donné, avant la mafia. Un exemple de solidarité des peuples du sud donné. Car avant. Jam session. variants of a lot of names. See ya fighting. See ya fighting. So much, so much. See ya fighting. So much, so much. See ya fighting. Yeah, fighting. On arrête tout. On repart à zéro. Les amis. This is the end of this track. Time. Okay, understand. You need time to understand. You need time, I understand. I follow, I think. Je pense, donc je suis. To the river, to the river. Ancestors go to pray. We go to the river to think. Oh yeah, because we are ninjamas. We have a technology. How to share, we are able a évadé l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. It's an interaction between you and me, or the star system. Comme je ne saurais jamais faire. Une poussière d'étoiles, ça me revient comme ça, en vrac. Ah ouais, ça pourrait être aussi un homme ordinaire, ouais. Tellement de suites, cordes. Tellement difficile de créer. D'accord. C'est ce que j'aime. Si on peut s'affranchir, s'émanciper. Tiens, va. Beaucoup de travail, préparation, des souvenirs, double disque, Starmania, que mon père avait dans ce soir, soirée ninjam session où les ninjammers me font pleurer pour la deuxième fois. Putain. Ninjammers, des bâtards venus de n'importe quel endroit de la planète. Mes frères que je cherche depuis si longtemps. Putain. Je peux même plus chanter. Se remettre dans le système quand je disais ça. Avec un gros orchestre nécessaire peut-être pour cacher les émotions. Un habit de lumière comme une étoile, la dernière. Toujours par mes amis musiciens all around the world, able to share, able to listen, able to love again, able to love. Oh, I just had a drift that ça va finir à deux. Attends, on va voir si on peut pas aller. Attends, j'ai pissé déjà. Come back.